C'est fou ça. 89 heures. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Simon Fitzbé continue sa série sur les Beatles dans Phénomène. On reçoit aussi François Landry avec sa chronique Logocratie 101 qui vient nous parler de Pauline ou Gilles. Jeudi 4 novembre 2010, bienvenue à Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières et moi c'est Mathieu Plante. Et moi François-Olivier. Salut François-Olivier. Ça va bien? Oui toi? Oui ça va bien. Hey, aujourd'hui, tu l'as dit, on est le 4 novembre, donc on pourrait dire... 4 novembre au soir! Pour être original, on va dire ça, 4 novembre! Hein, ça a jamais été fait. En tout cas, pas dans l'émission du matin. Non, c'est ça, pas dans l'émission du matin. Non, c'était pas exactement ce genre de choses qu'on faisait avant le matin. Vous êtes Assemblage Requis, donc aujourd'hui, on a un plan chargé comme tous les jeudis. Hein, deux chroniqueurs. Comment? Hein? Ah, tu m'as surpris. Qu'on avait un plan chargé? Quoi? Parce qu'on dit jamais ça. Hein? C'est pas du tout redondant. Ben non. Bon. Donc, on a François Landry, pas Maxime Landry. On aurait aimé ça parce qu'il a gagné à la digue de la disque, donc on sait qu'il est bon, là, ça c'est sûr. Mais on... c'est une étoile montante. La la la! Quand tu fais la la comme ça, Mathieu, ça me fait penser à la la la la long. Donc, François Landry qui va nous parler de politique aujourd'hui, comme toujours. Pauline ou Gilles, c'est le nom de sa chronique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une énigme enrobée dans une devinette. Tout à fait. Alors, on a aussi Simon Fitzbé avec Phénomène. Et aujourd'hui, ben, il continue sa série sur les Beatles avec, évidemment, John Lennon. Qu'est-ce que je vois? Il y a plein d'affaires, là. Ringo Starr, c'est vraiment comme la formation, on dirait, des Beatles aujourd'hui sont sa chronique. Ouais, c'est ça exactement, qui va s'étirer sur plusieurs semaines. Oui, tout à fait. Tout le mois de novembre, c'est le mois des Beatles. C'est le Beatlemmer. Beatle-Movember. Ah, ben d'ailleurs, on va continuer notre série Movember aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, oui, écoute, on va essayer comme les ressources deviennent rares. Là. On épuise les amis, là. Ah, ouais. Ouais, on les réveille aussi. On les réveille. Ils sont épuisés, on les achève. Toi, il n'y a pas quelqu'un que... Non, et puis, en même temps, hier, écoute, j'y ai pensé hier, on a reçu Kiwana. On n'a pas eu de temps. Non, c'est vrai. Puis, on peut pas l'appeler, nous. C'est lui qu'il faut qu'il nous appelle. Il a un téléphone spécial. C'est comme Batman, il a un téléphone rouge. Ouais. Ça marche pas en tout parce que Batman, c'est lui qui reçoit les téléphones. Attends un peu. Kiwana, non. Ouais. S'il nous rappelle la semaine prochaine, écoute, on peut essayer de le convaincre. Ça, c'est une bonne idée. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de difficultés à embarquer dans le projet. Il l'a déjà fait à maintes et maintes reprises. Ah ouais. Juste pour le plaisir aussi. Ouais. Aussi, à l'émission aujourd'hui, on a C'est un fait, évidemment, comme à tous les jours. On a plein d'autres affaires qu'on va vous promettre, mais qu'on fera peut-être pas. C'est un peu la tradition d'Assemblage Rocky depuis toujours. On vous promet des affaires, on les fait pas. Pas tant que ça. Hier, j'avais dit qu'on ferait un poste d'écoute avec Hooded Fang. On va essayer de le faire, tantôt. C'est vrai. Mais hier, c'était booké pas mal. Hein? C'était chargé. On pensait pas que c'était chargé de même. Donc. Non, mais assez parlé pour aujourd'hui. On devrait commencer en musique parce que faut que la journée commence sur une bonne note musicale. Tout à fait. Et puis, tantôt, t'as parlé de Maxime Landry. Hein? Oui, la la la. Mais on n'en jouera pas. Bah, à la place, on va jouer quelque chose de d'écoutable, finalement. Ariel. Soyez pour le kill au 89 FM. En fait, c'est la pièce après le crime, ça va faire pareil. Tous les chemins mènent à la bombe, puis la bime après le crime m'attend. Hey, j'aime tellement ça, cette pièce-là. Ce groupe-là, c'est-à-dire, le groupe s'appelle Cursive. Et tout ça, parce qu'on a fait jouer aussi en début de cette semaine, ouais, je me rappelle pas, mardi. Art is Hard. Et tabarouette, une mémoire phénoménale, mon ami. Tel un éléphant. Et tout ça sort de l'album The Ugly Organ. Et la pièce, c'était de Rick Lewis. Si on parle d'un éléphant puis d'un organe affreux, j'aime pas vraiment tant ça, cette. Cursive, c'est l'éléphant? Non, mais Mémoire d'éléphant. Ah, hein. Puis The Ugly Organ, tu vois le jeu de mots, c'était douteux. Là, c'était... Ouais. Cursive, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que t'es au courant? Ben, c'est pas comme, un peu comme l'italique, genre, penché sur le côté, genre. Non? Ah, oui. Quelque chose de genre. Bref, on va parler de choses qu'on connaît, de choses qu'on sait qui ont lieu, parce que, dans le fond, c'est des affaires qui se passent. On s'est renseigné, on a été lire là-dessus. Des affaires qui se passent sur le campus. Yes. Ouais. On commence avec demain. Demain, on rappelle qu'on n'est pas là. Non, on n'est pas en onde. Par contre, demain matin, entre 6h et 9h, c'est le meilleur de ces fous. Donc, on va être là par le fait même, en différé. On dirait qu'on va peut-être dormir. On va peut-être pas l'écouter, nous, l'émission Les meilleurs moments. Malheureusement, on l'écoutera samedi après-midi. Ouais, c'est ça, samedi après-midi. C'est plus. Ça va être plus agréable. Revenons sur la piste. Donc, chose qui se passe sur le campus. Vous vous rappelez peut-être à l'émission d'hier, on recevait François Pruneau du Conseil régional de l'environnement Mauricie. Il y a la campagne Rendez-vous de l'énergie qui continue demain avec un ciné-débat. Ils vont présenter le film A Crude Awakening, The Oil Crash. C'est donc demain, vendredi, à 13h, au local 1088 Reguet. Les informations sont sur rdvénergie.qc.ca. Fort sympathique, le monsieur, aussi, oui. D'ailleurs. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Mm-hmm. Et puis, samedi le 6... Journée porte ouverte ici même à l'OQTR, ça se déroule au CAPS, tout ça commence à midi et c'est le bureau du registraire section recrutement qui accueille les étudiants qui désirent poursuivre des études ici même à l'OQTR. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez d'ailleurs visiter le www.uqtr.ca/porte-ouverte. Ouais, nous on dit au pluriel comme les gens normaux le font, mais ailleurs j'ai entendu porte avec un S, ouverte avec un S. Parce que tu peux pas dire pluriel au monde, hein. Ah même pas ça. Moi, j'adore le fait qu'on peut dire pluriel ici sur C'est fou. OK, bon, si t'adores ça, Mathieu, je vais dire porte avec un S et ouverte avec un S. Les gens sont plus intelligents que ça, Colin, c'est ça. Alors, que je dis. Je sais, t'as raison, t'en es quand même littéraire aussi. Mais. Eh oui, c'est ça. Eh. Que veux-tu? Et puis, après ça, lundi le 8, match d'impro de la Luitre. ici même à la Chasse Galerie, qui est nos, on pourrait dire, nos voisins de locaux. Oui, tout à fait. Et puis tout ça. Et de cœur. Et de cœur. Et tout ça commence à 19h30 à la Chasse Galerie et c'est gratuit. Plaisir garanti, sinon remboursé. Ouais. En faveur. Ah, lui, écoute, as-tu si tough tes services pour. Bon, on repassera. Et puis, le 9 novembre, mardi le 9, c'est le Saint-Laurent à l'époque de Jacques Cartier. Tout ça, ça se déroule au Centre culturel Pauline Julien et dans le secteur Cap de la Madeleine. C'est gratuit encore. C'est à 19h. C'est une conférence publique organisée par la Société historique du Cap de la Madeleine le 9 novembre à 19h, intitulée « Le Saint-Laurent à l'époque de Jacques Cartier ». Tout ça est donné par M. Jean-François Palomino. Et donc, pour les fervents amateurs d'histoire, comme on sait, on reçoit aussi Simon Fitzbé. Oui. Qui étudie en histoire. Tout à fait. C'est vrai. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais le reste est un peu loin. Donc, en fait, on va en parler, mais ouais. La semaine prochaine. Je pense que c'est assez d'affaires à faire. Affaires avec ES. Ouais. Affaires aussi. Au pluriel. D'affaires à faire. Faire, il n'y a pas de S. Non, faire, il n'y a pas. Faire prend rarement un S. C'est ça. Des fois, ça prend un E et un R. Puis là, c'est pas le même genre de faire. Un E et un R. Ouais, tout à fait. Hey, crime, je suis lent. Ah, je suis vraiment lent. Je lag avant. T'as comme un peu. On pourrait m'appeler un Mac. je pourrais être le Mac ce matin. Ah, j'aime ça. C'est bien. Bon, donc, c'est beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Notez-les. Et puis, on en reparlera de toute façon pour les autres activités qui auront lieu la semaine prochaine, bien sûr. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est votre émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va voir une chronique, c'est un fait. Et là, je vais vous parler, entre autres, et là, vous allez trouver ça bien, bien le fun. Là. J'ai une petite série de faits spéciaux sur les biscuits, aujourd'hui. Mathieu, qui est, soit dit en passant, très, très gourmand. Pour oui. Ceux qui ne le savent pas, là, Mathieu, je pense qu'il mangerait toujours, pas nécessairement des biscuits, là, mais toujours en général, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En général, j'aime ça. Mais pour l'instant, on va écouter une très bonne pièce. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas entendu. Je la refais jouer. Non. Oui, ben c'est très long, ça. Ben oui. Non. The Constellations. Voici non. We're Here to Save the Day. Non. Tu l'aimes, dis-le. Avoue-le. Je t'aime. Prends un biscuit. Tu aimes ça. Give me yours, cause we're so absorbed. So our world just passes. OK. Petite mise en contexte. C'est le jour 4 de notre mouvement Movember pour l'assemblage requis. On a commencé à se faire pousser la moustache, toute la gang, dont François. Ça pousse pas vite, mais quand même. Écoute, hein, à chacun son rythme. Et mon corps, ça n'est pas le tien. Donc. C'est ça, ça dépend des jours. Donc, on a appelé chez quelqu'un de différent à chaque jour à date cette semaine. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, je vous avoue que ça ne tentait pas non plus d'appeler quelqu'un et que ça ne réponde pas dans le sens. C'est arrivé souvent, mettons. C'est arrivé souvent, c'est ça, exactement. Donc là, pendant la pièce, très bonne pièce, soit dit sans passer. Oui, merci. On a appelé... Mathieu a appelé, en fait, quelqu'un, on ne nommera pas tout de suite. C'est ça. Pour savoir s'il dormait, donc il a fait semblant un mauvais numéro. Il dit Salut Gaëtan. Gaëtan, salut Gaëtan. Il dit hey, il est super poli en plus. Il dit ah, désolé, mauvais numéro. Ok, je sais pas si la deuxième fois il va être parce que sûrement qu'il y a un afficheur. Ah, oh. Peut-être, par exemple. Peut-être qu'à la deuxième fois il va être un peu moins poli. Donc écoute, on se rassait là. Ok, laisse que je dis mon nom à moi. Bon, oui, mais okay. tu commences. Le même pattern pareil. Que. Ouais, pareil. Ok, on essaye. C'était si merveilleux. Bon, une seconde. Ah, ouais. Je vais composer. Ok, on compose le numéro en direct. On se rappelle qu'on contacte quelqu'un qu'on nommera pas. C'est quoi son nom? Il faut que je dise son nom. C'est pas Gaëtan. Non, j'imagine. C'est Guy. Guy? Ok, parfait. Ça sonne? Yeah. C'est Guy, hein? Ouais. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Guy, s'il te plaît? Oui, c'est pas vrai. Oui, bonjour, ici c'est Mathieu Plante. Et François-Olivier, Guy, vous êtes en direct à l'émission Assemblage requis ce matin sur les ondes de C'est fou. OK. Ça va bien? Ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Écoute, Guy, on t'appelle parce que, OK, tu sais, ben en fait, je sais pas si tu le sais, parce que le mois de novembre, c'est le mois du Movember. En fait, c'est un... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pour la santé masculine en général, mais surtout le cancer de la prostate. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est l'idée, c'est de faire un mouvement de solidarité pour le cancer de la prostate. Et puis, c'est ça, en fait, on te demande ce matin si tu serais partant de le faire avec nous, parce que nous, on a commencé, en fait, se laisser pousser la moustache. Pendant tout le mois de novembre au grand complet. Là. C'était déjà prévu dans mes plans. T'es sérieux? Oui. Ah ouais, fait que là, elle pousse, là. Ben, elle a commencé à pousser hier, mettons. Là. OK. Fait qu'on peut déjà mettre ça dans la colonne des oui, finalement. Oui. Ah, ben, Krim, c'est très cool, ça. OK, ben, wow. Krim, ben, écoute, je pense qu'on t'a réveillé pour rien. Ah, c'est vrai. Ben, pas de trouble. Bon, désolé. C'est bon. Cool. Hey, merci, Guy. Fait que, écoute, on va essayer de te rappeler, mettons, une autre fois pendant le mois de novembre pour voir si ta moustache continue à pousser. Ben, pas de trouble. Cool. Merci. Ben, bonne journée. Yes, salut. Bonne journée, Guy. Au revoir. Bye. C'était Guy en direct par téléphone. Il se laisse déjà pousser la moustache. C'est le fun. C'est un homme de goût, finalement. Un homme de bon choix, de bonne décision. Caroline, c'est le fun. Tout à fait. J'aime ça. C'est comme un oui. Ça compte vraiment comme un oui, ça. Oh oui, on le prend comme un oui, certain. D'accord. Donc, un autre succès pour nous. On va continuer ça pendant les prochaines semaines, pendant tout le mois. On va vous tenir au courant de notre troupe. On pourrait dire des patriotes, si ça empilait pas sur une marque de commerce de quelqu'un d'autre à l'écouteur. Les patriotes des moustaches. Les patriotes des moustaches. Des poustillachiotes. Donc là on fait un petit résumé. Oui. En fait, on a réussi à solliciter l'aide de Alexandre Lapointe. Ouais. Sébastien Richard. Richard. Alias Bijoux. Bijoux, ouais. D'accord. Le président du conseil d'administration, Jean-Philippe Payat. Tout à fait. Il y a Guy. Guy. Il y a une personne qui a dit non, Nicolas Ducharme, un animateur de C'est fou. C'est un petit peu mal vu, mais bon. Mais bon. Et puis Guy, en fait, qui se laisse pousser la moustache. Et puis, il y en avait-tu non? Non, non, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. C'est beaucoup, déjà. C'est beaucoup. Belle troupe. Beau troupeau. Donc, troupeau, ça fait mouton, par exemple. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question d'être pareil comme tout le monde puis avoir une moustache parce que vous voyez tout le monde qui a une moustache dans la vie. Là. C'est pas ça l'idée, c'est pour une bonne cause. C'est ça, exactement. C'est pour, en plus pour nous autres, tu sais. Oui. C'est pour nous autres. C'est vraiment pour nous autres. Donc, pour les cancer gars, de la prostate. Oui, ben c'est ça, exactement. Nous autres. Livre gars. Livre hommes. C'est pas une question de virilité ou rien. C'est juste ça. C'est ça. Ouais. Non, donc très, très cool. Bon, ben, quand même, c'est le fun. Nos aventures continuent. On vous tiendra au courant. Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. C'est maintenant le moment passer en pause publicitaire parce qu'éventuellement, s'il faut faire ça en radio, c'est un peu une règle non écrite, mais en même temps, je pense qu'elle est écrite quelque part. Ouais, t'es écrite. Fait que petite pause, puis on vient après. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. La pièce Flagellarium de MGMT à Assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. Ouais. Hey, Mathieu, écoute, est-ce qu'on poursuit un appel? OK, un autre téléphone. Ouais. C'est comme les insolences là, d'un téléphone. On réveille les gens. Les insolences de la moustache. C'est moustachus. C'est ça. C'est ouais. Non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, c'est correct, oui. Je suis d'accord avec ça. Je trouve pas ça super bon, comme façon de dire. C'est quoi le nom du gars, celle-là? C'est... T-Bone. T-Bone. Ah, fait que faut que je demande T-Bone. Ouais. Ça va être la fin. OK, ça sonne dessus. Ouais. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à T-Bone, s'il te plaît? C'est moi. Oui, salut, c'est Mathieu Plante. Et François-Olivier? Oui. Ça va bien? Oui. Oui. En fait, on t'appelle. Écoute, t'es en direct, c'est fou, présentement. On t'appelle ce matin parce qu'on a un petit service à te demander. OK. C'est louche un peu, là. C'est louche un peu. Écoute, je sais pas si tu sais que pendant tout le mois de novembre, en fait, il y a comme un mouvement. C'est des hommes qui se laissent pousser la moustache pour le cancer de la prostate. Ah, chouette. Écoute, on t'appelait parce que on voulait solliciter ton aide pour te laisser pousser la moustache avec nous. OK. OK, merveilleux. Écoute, félicitations. Nous, en fait, on va sûrement te rappeler au courant du mois novembre pour voir comment ta moustache se déroule, en espérant toujours te réveiller. Ah, ben, c'est bien. Mais on va pouvoir rappeler un peu plus tôt que ça, parce que ce matin, vous avez manqué votre coup. Ah ouais? OK, tu dormais pas. Non. Ah bon, d'accord. François est triste. Ouais, ouais. Ça m'attriste un peu, T. Ben, écoute, ce que je ferais, c'est que je mettrais mon cadran un peu plus tard à l'avenir. Bonne idée. Ah, on aime ça. Mais là, c'est fou, ton cadran, d'ailleurs. Hey, donc, merci, T. Puis écoute, on te rappelle d'ici le mois de novembre, on dit Pokémon, par exemple. Et puis, laisse-toi pousser la moustache. Pour le cancer de la prostate. Yes, vive la prostate. Power, cool. Prostate power. Merci beaucoup. Bonne émission, boys. Salut. Merci, bonne journée. Salut. T, bon, on est en direct à Assemblage requis. C'est un autre oui pour nous, un autre succès. Yeah. Ça va bien. Ouais, ouais, tout à fait. Caroline, que c'est le fun. Ouais. Donc, t'en as donc bien des amis qui sont... Qui se laissent pousser la moustache. Ouais. Félicitations, François. Ben, merci. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que t'en dis si on se fait une petite liste, d'épiceries de choses à savoir dans la vie? Une liste d'épicerie de choses à savoir dans la vie. OK, vas-y, okay. Je te laisse aller, ça m'intrigue un peu. Ça te dit rien? Non. Non, ben c'est parce que c'est un fait. Oui, c'est un fait, la chronique des choses véritables, véridiques et vérifiables selon les différents internets. Et on commence avec une chose que tu vas être heureux de savoir et tu vas me dire en même temps si tu trouves ça intéressant et inintéressant. Tout à fait, comme hier. C'est ça, c'est rendu la nouvelle formule, là, c'est le verdict. Hein? On laisse aller. C'est ça. Savais-tu qu'il y a un plat en Corée du Sud qui est fait avec des pieuvres bébés encore vivantes? Oh, OK. Non, c'est vrai. C'est un plat très bizarre qui s'appelle le sanakji. C'est des morceaux de jeunes pieuvres crus qui sont servis immédiatement après les avoir tranchés. Donc, ça veut dire que les tentacules doivent être mâchés très, très doucement pour empêcher les petites ventouses de coller à l'intérieur de l'œsophage de la personne qui mange. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Ah non. Donc, c'est comme presque vivant, juste après avoir été vivant. C'est mort, là, on s'entend, mais ça bouge peut-être encore un petit peu. Oh, oui, tout à fait. Ah. Non. Dégueulasse. Ça s'appelle le sanakji. Savais-tu que le mot taxi s'appelle de la même façon en tchèque, en allemand, en anglais, en français, en italien, en polonais, en portugais, en roumain, en espagnol et en hollandais? OK. On peut dire que c'est vraiment universel. C'est pas mal. Taxi. C'est taxi. Taxi. Mais peut-être pas le film avec Queen Latifah, par exemple. Ah. Sûrement qu'en France, ça doit s'appeler genre une bagnole d'enfer. Ou... genre... Ouais, ils ont toujours des drôles de titres. C'est ça. Prochain fait dans notre chronique, c'est un fait. Celui-là, tiens. Qu'il y a 9 muscles dans l'oreille humaine. OK, non, je savais pas. Il y en a 9. Ce n'est même pas des blagues. On pourrait penser que c'est une joke, mais c'est pas le cas. Je vais te parler un petit peu de Central Park. Okay. Savais-tu que c'est 2 fois plus gros que le pays de Monaco? Bah, non. Monaco fait un total de 1,95 km². Et tabarouette, c'est pas gros. C'est 485 acres si on compare ça aux 843 acres du Central Park de New York City. OK. Alors, tu m'as pas tant dit si c'était vraiment si intéressant que ça. Ben, celle-là, oui. Non? Celle-là, ça va? Oui, okay. Oui, tout à fait. Est-ce que tu connais l'ancien président américain William Taft? Non. Il s'est déjà pris dans son bain. Il a été pris dans son bain. pogné avec la suction. C'est, ben, c'est parce que c'est un homme de taille. OK. D'assez grande taille. Il pesait plus de 330 livres. C'est donc le président le plus lourd de l'histoire du pays. Et cette histoire embarrassante, gênante, dit que 6 personnes ont dû l'aider à se déloger de son gros bain. Ils ont... ouais. C'est gênant un peu. Après ça, ils ont été obligés d'installer un nouveau bain qui était assez large pour contenir 4 personnes de taille normale. Donc, un gigantesque bain qui est installé pas mal pour Taft, finalement. Ça va prendre du temps à remplir. Et voilà. C'était aussi le premier président à avoir une voiture. Quand même, hein? Personnelle? Une voiture personnelle présidentielle. Ou je sais pas. Ouais. Ça précise pas. Mais ouais, bonne question. J'aime ça. D'autres faits maintenant, toujours dans la chronique, c'est un fait. On a des tonnes à revendre, du talent à revendre, c'est ça. J'avais dit que je ferais un spécial sur les biscuits. Oui. Donc, allons-y avec ça. Cookie, qui est le mot américain en anglais pour biscuit, là, cookie. Ça vient de l'hollandais coque, qui veut dire gâteau. En fait, ben, c'est ça, et ça veut aussi, c'est aussi l'autre mot, quake, qui veut dire un petit biscuit, cakelet, genre, en anglais. Donc, okay. Ça vient de l'hollandais. Au début des années... non, attends, pas celui-là. En français, un biscuit, en France, un biscuit, c'est un gâteau. OK. Hein? À la place. Je vais prendre un gâteau. C'est pour ça que des fois, ouais, c'est ça. Prendre un cookie, un biscuit. Hein. Bon. Biscuit, ça veut dire cuit deux fois en français, mais la plupart des biscuits ne sont pas cuits deux fois de nos jours. Faut pas. C'est fini, ça. Bon, ouais. Non, mais c'était comme ça à la base. Ah, je savais pas. Il y a des biscuits qui datent de 6000 ans, qui ont été découverts en Suisse. L'arc. 6000 ans. Mangerais-tu ça? Non. Non. Ça doit être... c'est quoi? Ça doit ressembler d'une roche? Ça doit. Jusqu'au 18e siècle, jusqu'à environ la moitié du 18e siècle, le mot en anglais « biscuit » était appelé « biscuit », B-I-S-K-E-T, au lieu de « biscuit » comme il est écrit maintenant, comme en français. Intéressant quand même. Est-ce qu'il m'en reste un dernier sur les biscuits? Non, c'est tout. C'est pas super intéressant, les biscuits. Hein. Bon. Bah, je suis déçu. Mon dernier, je vais finir sur une excellente note. Hein. Ouais? Au début des années 1800, presque 25% de toutes les femmes du Royaume-Uni s'appelaient Marie. 25%? C'est énorme. C'est énorme. Un peu d'originalité, s'il vous plaît. Là. Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, région, Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mes fêtes n'étaient pas super aujourd'hui. Hein. C'est pas super. Moyen. C'est pas super. Ma cote, mettons. Écoute, ça n'a pas été ta meilleure semaine, je te l'accorde. Non, j'avoue. Hein. Mais je suis pas déçu et tu me vois... Rassasié. Ah, ça, c'est bien. Et okay. qui va aller, en fait, jusqu'à la semaine prochaine, lundi. Oui, on est de retour avec d'autres chroniques, c'est un fait. C'est certain, la semaine prochaine. Certain. Même si mes sources se laissent aller, des fois. Tes sources se laissent aller. Mes sources se laissent aller. Sortent des faits moyennement intéressants, je crois. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Une nouveauté du palmarès francophone, non? Est-ce que c'est le cas? Ben non? Oui. Tout à fait. Tu l'as pris dans le show de palmarès, ça doit être ça. Alex le Maniaque. Oui, exactement. Avec la pièce Monsieur Ballonné. Ah! Bon. Qui est en 19e position cette semaine. Bon, écoute, les palmarès. Les palmarès qui d'ailleurs vont être diffusés cet après-midi entre 14h et 17h en compagnie de Stéphanie Gagné et moi-même. Hein? C'est pas pire comme plug, ça. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 9h, assez fou. Après 6 mois dans le rigot, on peut courir après. Monsieur Ballonné, Monsieur Ballonné, c'est aussi l'ami de Barley. L'affaire avec des grosses taches vertes, comme mon ami Monsieur Ballonné. pis le fond. Monsieur Ballonnet, hé, hé, hé, Monsieur Ballonnet. Monsieur Ballonnet, hé, hé, hé, Monsieur Ballonnet. Monsieur Ballonnet. Oh, Alex le maniaque. Ah, nouvelle entrée du palmarès francophone, ça fesse. Ça fesse dans le mythe qui est en 19e position, comme je le disais un peu plus tôt. Il y a beaucoup de nouvelles entrées aussi oui. cette semaine. Quatre. Mais écoute, je vais te laisser ça à ton émission. Hein. J'ai hâte d'entendre ça, moi, toutes ces belles nouveautés-là. Tout à fait. Mm-hmm. Maintenant, on va passer à un bloc que vous aimez, parce qu'on découvre un petit peu de nouvelles musiques une fois de temps en temps. C'est le poste d'écoute. Aujourd'hui, dans le poste d'écoute, on écoute la formation Ordered Fang. Très, très bonne formation. Ils vivent à Toronto. Moi, je me rappelle d'Ordered Fang, surtout pour leur maxi qui s'appelait Ordered Fang EP. Et ça, ben, c'est Kiwan qui en faisait jouer une fois de temps en temps ici à Assemblage de Rocky. Donc, si le son vous dit quelque chose, c'est bien normal. Leur nouvel album, Ordered Fang Album. Hein? J'aime l'originalité de la chose. Kiwan qui a beaucoup de goût aussi au niveau musical. Musicalement, tout à fait. On s'ennuie, d'ailleurs. Pas que t'as pas de goût, mais on salue de ses connaissances parce que moi, j'en ai pas tant que ça. Bref, les membres sont Lane, Lorna, Julia, Nick, Dan, Apes et Erico. On nous dit que Ordered Fang a volé son nom d'un livre pour enfants. Ordered Fang, d'accord. Ils étaient en spectacle hier au Divan Orange de Montréal. Leur MySpace est au myspace.com/Ordered Fang ou encore vous pouvez écouter des pièces sur OrderedFang.bandcamp.com. D'habitude, là-dessus, ben en fait. Là-dessus, vous allez pouvoir acheter l'album aussi. Donc, hoodfang.bandcamp.com. On les écoute tout de suite avec la pièce Laughing. Et on écoutera après ça, quelle pièce? Highway Steam. Dans le poste d'écoute d'Assemblage Rocky. Sur C'est Fou 89 FM. Laughing. holidays, I can feel your burning hand. Etching up rusty maps that take you to nowhere. It's a sad ways, but you feel it in the back. Hidden in the coattails of a long remembered child. Hooded Fang avec la pièce Highway Steam, précédée de Laughing, de leur nouvel album Hooded Fang Album. Je vous rappelle les adresses que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Hooded Fang. On parle de myspace.com/HoodedFang. Il y a aussi HoodedFang.bandcamp.com. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça et je sais qu'on va en entendre. Oui, oui, ça sonnait très bien. Ça sonnait, ça sentait le Key One. Oui, ça sentait le Key One à profusion. J'ai préféré la première à la deuxième. Oui, oui, tout à fait. Vraiment? Deuxième, t'es un peu plus mollo. Mollo est le mot. Bref, je vais l'écouter plus en profondeur. J'aime ça, moi. Pas de fin. C'est à noter, à retenir. Oui. Tu l'as mis sur la pile des bons CD. Ouais, c'est ça. Attends un peu. Il va falloir que je mette tout dans cette pile-là, par exemple, si on commence à avoir ce critère-là. Bref, c'était le poste d'écoute pour aujourd'hui. Il va y en avoir d'autres éventuellement parce que c'est une chronique, un segment, un bloc récurrent ici dans l'assemblage requis. Nous, par contre, on va devoir passer à la fin de l'heure pour pouvoir avoir après ça Simon Fitzbay. Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène. On va parler encore une fois des Beatles parce que c'est le Beatlemember. Movember. Movember. C'est ça, ça. Ça a pas vraiment de nom. Un peu comme le Simon Fitzbay, c'est un peu n'importe quoi. On aime ça pareil, le n'importe quoi, nous autres. Donc, Info Campus et puis on revient juste après avec Simon Fitzbay. Restez avec nous. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR.

jusqu'à 9h. Vous écoutez Assemblage Requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Oui, il nous reste une 25aine de minutes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Hein, François? Tout à fait, Mathieu Plante. 25aine. C'est comme ça qu'on dit ça dans business. Dans business. Dans le business du show. On est tellement rendu big, là. Comment on l'appelle? Alors on va accueillir, on va partir des rumeurs en même temps. Alors on va accueillir le fils illégitime de Bernard Landry ainsi que le cousin de Maxime Landry ensemble. On se lève bien haut pour accueillir François Landry et Logocratie 100. S'il vous plaît, collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut François Landry. Bonjour. Je t'ai pas laissé te défendre. Oui, je voudrais tout d'abord m'excuser au nom des familles Landry d'avoir un certain Bernard et un certain Maxime dans la famille. À ce que je sache, c'est pas vrai par exemple. Non. C'est, je te ferai une petite chronique de, du mot Landry un moment donné, mais il y a deux familles, puis moi je viens de la famille minoritaire. Mais t'en as-tu dans ta famille en fait? T'sais, j'imagine un cousin qui s'appelle Maxime ou. Non. Je suis mon fiol, c'est le dernier de la lignée Landry de notre famille. OK. Donc, oui, il y a eu deux branches, puis on s'est pas reproduit bébé. Ah ben. Non, qu'est-ce que tu veux, c'est beaucoup de femmes et peu d'hommes. Moi, j'ai un oncle qui s'appelle Pierre Laporte. Ouais. Comme les Laporte Carpentier dans Ramdam? Non, comme dans Jean-Pont Pierre Laporte. Désolé, Simon. On continue dans la lignée des noms, hein, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, oui. C'est Pauline ou Gilles. Ben oui, Pauline ou Gilles. Pauline ou Giles. Ben oui, on pourrait aussi rajouter le mot Jacques, on pourrait rajouter le mot Bernard, justement. C'est que vous pensez qu'il va régler le Parti québécois. Eh oui, qui? Pas sûr que ça va se régler, man. Hey, mais on dirait que ça n'a pas de fin. On dirait que ça s'en va de mal en pire. C'est la beauté du Parti québécois. Ils ont voulu faire une coalition de souverainistes en 68 qui ont réuni la gauche, la droite, des nationalistes mous, des nationalistes durs, qu'à un moment donné, c'est le cafouillis total. Mais pourquoi avant ça fonctionnait? Parce qu'il y avait René Lévesque. C'est ça, mais là, tu n'as plus de leader au sein, là. Non, il y a plusieurs coqs dans le poulailler. Aucun vrai leader, si on parle d'un leader dûment élu, oui, Pauline Marois, mais des leaders souverainistes, ça se fait rare, c'est une denrée rare pour plusieurs raisons, dont l'intention d'implanter la souveraineté à brève échéance. Donc, oui, il y a des problèmes de leadership au Parti québécois. Est-ce que ça provient du bureau de Pauline Marois? Je ne le sais pas. Est-ce que ça provient des autres qui veulent pousser pour tasser Pauline? Sûrement. Mais premièrement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment l'indépendance? Ou parce que j'ai le pressentiment que Pauline Marois, ce qu'elle veut, elle, c'est être au pouvoir, tout simplement. C'est la même perception que j'ai. Là, c'est une opinion très personnelle que j'ai. C'est ce que ça projette, parce que j'ai la même. Oui, exact. Puis plusieurs journalistes soulèvent la question, plusieurs militants soulèvent la question aussi. Est-ce que Pauline veut la souveraineté ou être la première ministre au Québec? Mmh, mmh. Parce que c'est un fait, hein? Dans ta chronique, c'est un fait, tu pourrais le rajouter, ça. Ouais. Pauline Marois a toutes les chances, si elle demeure en poste, d'être la toute première femme à diriger le Québec. Et si Nathalie Normando n'est pas nommée première ministre? Ça serait une jambette de Jean Charest qui pourrait très bien faire dans la prochaine année. Donc, démissionner et remettre les clés du pouvoir à Nathalie Normando, qui est la vice-première ministre à l'heure actuelle. Mais là, Pauline pourrait se dire, ouais, mais moi, je serais la première élue. Donc là, il faudrait dans les livres d'histoire dire que Pauline a été la première femme élue à diriger le Québec. Donc, ça serait... Note de bas de page, je t'ai. Ben voilà. Note de bas de page. Donc, Pauline, peut-être c'est un problème d'ego, peut-être que c'est un problème de charisme, peut-être que c'est un problème de leadership ou de stratégie. Ou de tout ça en même temps. Peut-être c'est un problème de Pauline, de la Paulino-gamie. Pas gamie, mais Paulino. On va déraper. Donc, oui, Pauline ou Gilles aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Une semaine très chargée, si on se rapporte une semaine derrière nous. Jacques Parizeau a lâché une petite bombe dans les médias, mais... Le montage qui était présenté le soir à Radio-Canada, c'était vraiment jouer avec du montage. C'était quoi? Moi, on dirait que j'ai pas... J'ai écouté le reportage au complet qui durait une vingtaine de minutes le lendemain. Et puis, bon, Jacques Parizeau qui faisait, comme toujours, son conseiller, si on veut, un être de réflexion, un intellectuel. Donc, il parle de souveraineté. Et il dit qu'en ce moment, c'est Gilles Duceppe qui fait une très belle job. Il a pas dit que Pauline faisait pas une bonne job, mais le montage présenté à Radio-Canada laissait sous-entendre que Jacques Parizeau s'en prenait à Pauline Marois alors qu'il n'a jamais prononcé le mot Pauline Marois dans son texte. Mm-hmm. Il a juste parlé que la souveraineté, c'était Gilles Duceppe ces temps-ci qui faisait une belle promotion parce qu'il était aux États-Unis à faire la tournée des grands ducs, donc de ceux qui ont de l'argent, pour les rassurer comme quoi un Québec souverain serait une terre propice d'investissement et de... Bon, ça chamboulerait pas l'économie. Et donc, Jacques Parizeau, économiste de formation, le premier Québécois francophone à avoir détenu un doctorat en économie au Québec. Ouais, bah oui. Oui, le tout premier. Donc, c'est dit, je parle d'économie, je le dis, parle d'économie, donc je le dis, c'est un grand promoteur de la souveraineté. Tout simplement. Donc, il a dit ça en 20 minutes. Et le montage laissait sous-entendre que Jacques Parizeau s'en prenait et il l'appelait à un renversement de pouvoir au Parti québécois alors qu'il en est tout autre. Mais Jacques Parizeau, ce qu'il expliquait aussi, c'était que quand il a démissionné au lendemain du référendum, donc le 31 octobre 96, le lendemain du référendum de 95, il a dit à Bernard... c'était Lucien Bouchard qui a succédé, mais quand Bernard Landry a succédé à Lucien Bouchard en 2002, Jean Parizeau est revenu faire sa belle-mère. Tu sais, le qualificatif très peu flatteur pour les belles-mères au Québec. C'est rarement un compliment. C'est rarement un compliment. Mais Jean Parizeau a fait sa belle-mère en tant que bon conseiller et il a dit à Bernard Landry, écoute, il lui a adressé une note sur la stratégie politique des souverainistes. Donc, c'est un papier qui s'est retrouvé dans les journaux par mégarde ou par coulage médiatique. Ouais. C'est plus ça, d'après moi. Et il suggérait de ressusciter le Conseil de la souveraineté qui avait été aboli sous Lucien Bouchard. Donc, un conseil, un comité donc, qui va se pencher ou plancher sur un projet souverainiste. Ça avait été aboli par Lucien Bouchard parce qu'on sait qu'il n'est pas très souverainiste, il est plus nationaliste que souverainiste. Mais ça, c'est un autre terme. Il a aussi demandé d'actualiser les études commandées 12 ans plus tôt, donc en 1994, pour la commission Bélanger-Campeau de confectionner un nouveau budget de l'an 1. Donc, le lendemain de la souveraineté, de la déclaration d'indépendance du Québec, quelles sont les finances du Québec? Si on rapatrie les points d'impôt d'Ottawa, si on rapatrie les budgets, où on en est? Donc, c'est juste un projet très théorique. Où sont les finances québécoises le lendemain d'une déclaration d'indépendance? Donc ça, c'est un document que tu remets aux économistes à Wall Street, à Francfort, à Paris, toutes les grandes bourses du monde pour leur dire « Rassurez-vous, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de crise économique, il y aura peut-être une petite turbulence, le terme que Pauline Marois avait déjà utilisé qui a causé beaucoup d'émoi. Une petite turbulence économique pour dire « C'est normal, là, on crée un pays. C'est normal qu'il y ait des fluctuations économiques, oui. Mais il n'y aura pas de grands changements comme si on devenait un régime communiste ou un régime... corporatiste. C'est juste la normale des choses et voici, on vous rassure. » Et là, Pauline Marois, ça, elle a balayé ça du revers de la main qu'elle est rentrée au pouvoir par la suite. Bernard Landry l'avait fait. En bon second de Jean Parizeau, en bon disciple de Jean Parizeau, avait ressuscité le Conseil de la souveraineté, le budget de l'an 1. Le mettre à jour. Mettre ça à jour avec les nouveaux chefs, effectivement, parce que depuis 1995, l'économie québécoise... Ah, ça a changé. Oui, c'est pas la même chose. La semaine dernière, la chef du PQ a dissous le comité d'une dizaine de députés qui avait été créé il y a 2 ans pour rédiger le nouveau plan pour un Québec souverain. Elle l'a dissous? Elle l'a dissous. Pourquoi? Parce que. Ah, OK. C'est la réponse qu'on a eue. Ça y tentait. Parce que. Tout comme elle avait enlevé le droit de citer de SPQ Libre, le syndicat et progressiste pour un Québec libre, c'est un club politique créé sous Bernard Landry, puis elle l'a dissous parce qu'elle a dit « La gauche au Québec, c'est le Parti québécois. Pas besoin d'avoir un comité de gauche au sein d'une gauche. » C'est ça. Je suis pas super gros d'accord avec elle. Ben, tu lui écriras une lettre ouverte. Ouais. Et ça, ce dissolvement-là, cette dissolution-là du comité en a déplu plusieurs, les purs et durs au PQ. Dans une lettre ouverte publiée lundi dans Le Devoir, ceux qui l'ont lu en une, 50 jeunes indépendantistes, pas un vieux, là, juste des jeunes, en bas de 30 ans. Annonce qu'ils vont militer pour défaire le projet de gouvernance souverainiste qui sera débattu au prochain congrès du Parti québécois, donc au mois d'avril prochain, dans moins de 6 mois. Là. C'est le prochain congrès. Un à chaque 6 ans, les congrès. Donc ah ouais. Le dernier, Bernard Landry avait démissionné parce qu'il avait reçu 76% d'appui. Il y a beaucoup de pression sur Pauline Marois. Mais je pense pas qu'elle démissionne. on s'en parle dans 6 mois. Ça dépend si elle a un vote de confiance. Et si elle a en bas de Bernard, je pense qu'elle n'aura pas le choix. Mais c'est elle un peu qui a poussé Bernard à s'en aller avec 76%. Donc si elle est en bas de ça, ça serait difficile. Mais en même temps, quelqu'un qui s'accroche, non? D'un point de vue extérieur, peut-être. Mais on se rappelle que Pauline Marois est arrivée après la débâcle du Parti québécois en 2007. Mm-hmm. Donc, quand le PQ était tombé troisième groupe d'opposition. Et là, aux élections de 2008, elle est redevenue à l'opposition officielle. Mais elle est redevenue par la chute de l'ADQ. Oui, l'ADQ s'est tiré pendant le pied. C'est pas grave. Si l'ADQ avait quand même réussi à un fort pourcentage, le Parti libéral encore plus fort, le Parti québécois aurait dit à Pauline, t'es pas le chef qu'il faut. Et il faut souligner aussi qu'il y a de l'autre bord du Parti libéral. Je pense que Jean Charest avait comme quoi 98% d'appui à son dernier vote de confiance. Donc si elle a juste 76, 78, c'est pas sûr, assez. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a une bonne différence. Donc ça a été dévoilé. Ça a fait une bombe dans les médias. Tout le monde s'en prend au Parti québécois. Pourquoi il y a de la chicane interne, une frange radicale, des jeunes. Mais qui sont ces jeunes signataires-là? Ce sont tous, pour la plupart, des membres du Bloc québécois, donc pas du Parti québécois. Et ils sont tous, j'ai regardé la liste de noms et j'ai comparé avec celle de 2007, ce sont tous des membres du clan d'André Boisclair, ceux qui ne voulaient pas de Pauline Marois au Parti québécois. Donc, est-ce que c'est une vengeance personnelle? Est-ce que... Commandé par André Boisclair? Non. André, il est plus dans... Il parle des gaz de schiste. Oui, il évente. Ouais. Alors, c'est un lobbyiste. Donc, c'était le clan Boisclair. Puis, à l'époque, le clan Boisclair était composé essentiellement de jeunes. Oh, oui, tout à fait. Pour beaucoup. Et il s'opposait à la vieille garde. Donc, Pauline Marois, qui est là depuis les années 80, qui veut devenir chef depuis qu'elle est députée au Parti québécois. Donc, ils ont dit non, on veut pas d'une matante, on veut d'un jeune, puis patati patata. Et là, c'est la guerre interne au Parti québécois. J'ai jasé avec François Blanchet qui était ici lundi et lui il est un fier supporter de Pauline Marois, mais il est député, il a comme pas le choix de dire qu'il est Pauline Marois, mais on s'entend que. Et il a dit c'est vraiment une guerre interne qui se dessine, puis on veut taire le plus possible la chose dans les médias, on veut le faire en congrès, en instance. Et ça, je le comprends très bien. Ouais. Quand tu as une chicane de famille, tu vas pas demander à ton voisin, hey, peux-tu me prêter une pelle pour pour redessiner la face de ma femme, t'sais? Tu règles ça au souper de famille. T'sais, bon. Ou devant un juge. Le juge, ça sera le congrès au mois d'avril prochain. Mais chose qui est temps que ça se fasse. Parce que, en fait, là, j'ai comme l'impression que ça tire de tous les bords. Il y en a qui veulent aller à gauche. Il y en a qui. Faut que le débat se fasse, oui. Faut qu'il se règle, faut qu'il se rallie. Puis après ça, on. Ouais, ben ça prend. Ça, t'as le mot magique, se rallier. Mais ça prend quelqu'un qui est capable de rallier tout le monde. Et à ce qu'on peut voir, Pauline n'est pas capable de rallier tout le monde. Donc, elle se débarrasse de la gauche au PQ. Ensuite, elle se débarrasse du comité de la souveraineté. Mais c'est ça. Donc, c'est deux franges très importantes du Parti québécois qui sont mises de côté. Ils ne comprennent peut-être pas la stratégie de gouvernance souverainiste de Pauline Marois. Donc, est-ce que c'est un manque de communication? Probablement. Donc, Pauline n'est pas capable de faire comprendre à ses membres sa stratégie. Mais donc, dans cette optique-là, rien à faire, pas d'affaire à être là. Faudrait peut-être qu'elle change de conseiller politique, je ne sais pas. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Écoute, t'as-tu le goût de délire quelqu'un aussi comme premier ministre quand tu vois que dans son parti, c'est un peu le chaos? On va peut-être avoir une brève idée de ce résultat-là, François-Olivier, parce que le 29 novembre prochain, c'est maintenant officiel, il y aura des élections partielles dans la circonscription de Kamouraska-Témiscouata, donc celle que... ça, c'est l'ancien... Celui qui est décédé là, du cancer... Monsieur Béchard. Monsieur Béchard, oui, excuse-moi. Monsieur Béchard qui est décédé, donc, a laissé une place vacante. Et c'était pas un bastion libéral, cette circonscription-là. Ça l'était parce qu'il y avait division du vote, parce que la circonscription voisine, c'était Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'était Mario Dumont. Donc, lui influençait beaucoup les autres régions dans le bas du fleuve. Donc, il y avait fraction du vote, donc qui favorisait le Parti libéral. Donc, si au 29 novembre, Pauline Marois n'est pas capable de reprendre cette circonscription-là, sa tête est mise sur le bio. Parce que si le monde dise « OK, l'ADQ est effacé, c'est mort, on n'en parle même plus. » là, ok. Si le Parti québécois n'est pas capable de battre le Parti libéral, qui est très bas dans les sondages, très contesté par tout le monde, même par la population au Québec dans son entière à 75%, donc si Pauline n'est pas capable de reprendre une circonscription dans une partielle, ça va être quoi aux élections? Ça va être quoi aux élections pour avoir un gouvernement majoritaire? Donc, c'est là la grande question. Donc, le 29 novembre, c'est le test ultime pour Pauline. Si elle fait un très bon score... Mais là, est-ce qu'elle travaille fort là-dedans? Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est comme trop le chaos pour... Ça... Parce que je ne l'entends pas non plus. Moi, ce que j'ai su, en fait, c'est con, mais c'est vraiment le Parti libéral qui a présenté son ancien candidat qui était, ouais, qui était là avant... Hier, je sais même pas hier, c'est qui. C'est le Parti québécois qui l'a présenté. Donc, ils ont fait un gros événement au web. Eux autres, les jeunes, veulent vraiment miser sur le web pour diffuser ça. Donc, l'investiture était diffusée sur YouTube en streaming. Donc, c'était vraiment quelque chose de gros. Mais sauf que la population, je sais pas, ça, l'écoute pas, à part ceux du bas du fleuve, évidemment, parce que nous autres, à Trois-Rivières, on s'en fout ouais, un peu de ce qui se passe là-bas, malheureusement, mais c'est ça quand même. Donc, ça va être dans les médias nationaux. On verra s'il n'y aura pas une autre branche dans la roue du bicycle péquiste vers le chemin de la gouvernance. Bon, je vais essayer de faire une grosse figure. J'aime bien ça. Oui, merci. Mais on verra bien. Mais le 29 novembre, c'est le test ultime pour Pauline. Elle passe ou elle casse. Et si elle casse le 29 novembre, elle va démissionner avant le congrès parce qu'elle ne voudrait certainement pas se faire montrer la porte au congrès. Ouais. Ça, c'est une claque. C'est gênant. C'est très gênant pour son curriculum vitae, pour son histoire, donc le livre d'histoire qui s'écrira par la suite. Mais encore là, le parti ne va pas mieux si après sa démission. Dans le sens que qui va rester deux ans? Ça dépend que vous pensez qu'il va le remplacer, monsieur le président. Gilles Duceppe, peut-être. Mais Gilles Duceppe, ouais. Oui, parce que... on il avait déjà refusé. Oui. Il avait refusé à 24 heures de préavis. Après avoir 2008. Rencontré Pauline Marois dans son restaurant. C'est ça. Il avait déposé sa demande pour être le candidat et 24 heures après, il retirait sa candidature. Lorsque M. Jambe de bois... Là, Bouchard avait pris était parti. Landry et Marois s'étaient rencontrés dans un restaurant et Landry avait pris. Donc, c'était un peu la même chose qui était arrivée dans le temps, une couple d'années. Oui. Et Jules Duceppe aussi est vu comme étant le sauveur de la souveraineté du Québec parce qu'il est au Bloc québécois, chef de l'opposition. Le Bloc québécois est l'opposition à Ottawa, on s'en le cachera pas. Là. Il est libre de parler de souveraineté parce qu'il n'y a pas d'autres dossiers à défendre. Il n'y a pas une province à gérer, il n'y a pas un parti tiraillé. Donc, il est libre de parler de souveraineté parce qu'il sait très bien que les gens du Québec vont voter pour le Bloc, qu'il parle ou non de souveraineté. Parce que c'est le Bloc québécois. Donc, ça le dit, c'est un Bloc qui est là pour rester. Donc, s'il vient à Québec, est-ce qu'il va parler de souveraineté? Est-ce qu'il va parler d'économie? Est-ce qu'il va parler d'environnement? Il va être obligé de diluer son discours souverainiste. Là, c'est sûr que l'idée, ça va être de rallier vraiment les troupes, là, de montrer vraiment qu'ils sont unis. Oui, mais il n'y a pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur au Parti québécois. Il va peut-être y avoir une accalmie de quelques années, du moins pour les élections 2012, mais ça va recommencer. C'est la beauté du Parti québécois. C'est une grande famille très hétéroclite. La chicane est toujours pognée, mais c'est ce qui fait avancer le débat d'idées, c'est ce qui fait avancer justement l'idéologie souverainiste au Québec. On est passé d'indépendantistes radicaux à gouvernance souverainiste, donc d'un extrême à l'autre. On verra. Pour l'instant, la chicane est pognée. La chicane est pognée dans le poulailler. Le renard est dans le poulailler, mais le renard est incarné par qui? On ne sait pas encore. Car il y a un bout de fromage dans le bec. Ça, c'est le corbeau. C'est le corbeau. C'est le corbeau. Les animaux, moi. Ah. Donc, merci beaucoup, François Landry. On a terminé en parlant de belle famille, chicane de famille. On a commencé en parlant de famille. C'est full circle total. On revient. C'est comme le cercle de. Le cercle vicieux. Oui. Le cercle vicieux du Parti québécois. Comme dans une famille, il y a souvent un vicieux. Hein? Donc, François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Merci beaucoup. De rien. Toujours finir sur une mauvaise blague, c'est toujours gagnant. Et on le retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 8h30, ici dans l'Assemblage Requis. Nous, on va prendre une petite pause musicale. On va entendre Jérôme Minière avec son morceau Des pieds et des mains. Et on vient vous dire bye-bye. C'est ça. C'est comme Pauline qui fait des pieds et des mains pour quelque chose. Ça revient tout à la politique. Hein? C'est des liens. Boiteux. Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour où de la planète, il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes, à travers. Tout avaler, tout consommer, tout consumer, nous devrions. restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Quand nous aurons tout avalé, bien sûr il sera trop tard pour faire des pieds et des mains, des grimaces sans beauté. Il ne restera que nos corps. Commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes à travers la galaxie. Jérôme Minière et des pieds et des mains de son album Le Vrai, Le Faux à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de l'émission et la fin de la semaine. Quelle belle semaine on a passé ensemble. Hein? Ça a passé vite. Pour vrai, cette semaine, je trouve que ça a passé très, très vite. Oui. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission cette semaine, surtout ceux d'aujourd'hui, Simon Fitzbé et François Landry. François Landry, merci. Il y a Maxime Lemieux-Laramé, Stéphanie Gauthier. Stéphanie Gagnier, oui, en effet. Qui d'autre? François Bruneau qu'on a reçu, Alexandre Gauthier aussi. C'est tout. Ouais, je pense. Audrey Tremblay qui est venue aussi. Audrey Tremblay, ben oui. Ben oui, on remercie tout le monde, même ceux qu'on a oubliés. On se retrouve lundi à 7h. Il va y avoir Alexandre Delage. Alexandre Delage, oui, tout à fait, qui va venir en remplacement d'Audrey Tremblay. Oui, c'est une semaine sur deux, comme toujours. Sinon, restez sur les ondes de C'est Fou, hein, parce que plus tard aujourd'hui, il y a le dîner de cons. Simon va être là avec son scout des internets. Entre 11h et 13h. Chante-les pas, non. Ensuite, il y a une dose d'estrogène. Moi, je vais être de retour avec Stéphanie Gagné pour les palmarès C'est Fou. On se retrouve lundi 7h. Bye, parfait. Laissez-vous pousser la moustache. Oui, oubliez pas. Bonne fin de semaine. Sur les ondes de C'est Fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.